إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, qui est un livre de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, et l'explication est de Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah ta'ala. On continue toujours dans le chapitre de ce qui est rapporté au sujet des devins et similaires. قال المؤلف وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دي اسمه عمران بن حسين رضي الله عنه. Il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: ne fait pas partie de nous celui qui consulte les augures, c'est-à-dire celui qui use de la mauvaise augure, ou celui pour qui on l'a fait. من تطير أو تطير له. Celui qui consulte les augures ou pour qui on les consulte. أو تكهن أو تكهن له. Celui qui consulte un devin ou un voyant, ou celui pour qui on le consulte. Ou celui qui fait la sorcellerie, ou celui pour le compte duquel on pratique la sorcellerie. Et celui qui se rend chez un devin et croit en ce que ce devin lui a dit, a alors mécru en ce qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait vu la semaine dernière que ce qui a été révélé en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Al-Qur'an wa Sunnah. رواه البزار rapporté par البزار d'après une chaîne de transmission bonne, rapporté par l'imam al-Tabarani également selon une chaîne de transmission jugée bonne d'après Abdullah ibn Abbas, sauf qu'il n'y a pas dans cette version de l'imam al-Tabarani la parole وَمَنْ أَتَى كَهِنًا, et celui qui se rend chez un devin jusqu'à la fin du hadith. L'imam al-Baghawi rahimahullah a dit al-Arraf, le voyant, c'est celui qui prétend connaître les choses par des signes dont il cède pour soi-disant connaître l'endroit d'une chose qui a été volée ou l'endroit d'une chose qui a été perdue ou autre. Il était dit que Al-Arraf est un synonyme de l'kahin, que le voyant est synonyme de devin. Wal-kahinu, et la définition de l'kahin, du devin, c'est celui qui informe de choses invisibles qui vont, celui qui soi-disant informe de choses invisibles qui vont avoir lieu dans le futur. Et il a été dit également que le devin est celui qui informe de ce qu'il y a dans les esprits des gens. Et l'imam Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Al-Arraf, le voyant, c'est un nom qui signifie le devin al-Kahin, al-Munajjim, l'astrologue, al-Rammal. Al-Rammal se traduit ici par géomancien. Géomancien. Et géomancien, c'est un devin qui utilise le sable, d'autres utilisent des cailloux ou de la terre pour soi-disant prédire l'avenir. Donc l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit Al-Arraf, le voyant, c'est un nom qui donc inclut le devin, l'astrologue, le géomancien et autres, de ceux qui parlent dans ces choses, c'est-à-dire dans les choses en rapport avec l'invisible et l'avenir, en utilisant ces différentes méthodes. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ليس منا أي لا يفعل هذا من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا من تطير فعل الطيرة فعل الطيرة أو تطير له أو تطير له أمر من يتطير له ومثله بقية الألفاظ. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, dit « Laysa minna » dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « ne fait pas partie de nous ». C'est-à-dire, ne pratique pas ce genre de choses, celui qui fait partie de notre communauté, ceux qui nous suivent et ceux qui pratiquent notre législation. « Man tatayyara » c'est-à-dire celui qui use de la mauvaise augure. Et on verra par la suite ce qu'est la mauvaise augure. Ou tutayyira lahu, c'est-à-dire une personne qui demande à ce que l'on pratique la mauvaise augure. Et c'est la même chose pour le reste des termes ou des actes cités dans le hadith. Donc dans le hadith, il y a at-tiyara, la mauvaise augure. Il y a également... Naam, il y a également... Al-kahin, al-kahana, al-kahana, le fait de consulter des voyants ou de... autokuhina lah, donc celui pour qui on le consulte. Et de même pour la sorcellerie, celui qui la pratique... ou celui pour le compte duquel on la pratique. ثم قال المعنى الإجمالي للحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يكون من أتباعنا المتبعين لشرعنا من فعل الطيرة أو الكهانة أو السحرة أو فعدت له هذه الأشياء لأن فيها ادعاء لعلم الغيب الذي اختص الله به وفيها إفساد للعقائد والعقول ومن صدق من يفعل شيئا من هذه الأمور فقد كفر بالوحي الإلهي الذي جاء لإبطال هذه الجاهليات ووقاية العقول منها ويلحق بذلك ما يفعله بعض الناس من قراءة ما يسمى بالكف أو ربط سعادة الإنسان وشقائه وحظه بالبروج ونحو ذلك وقد بين كل من الإمامين البغوي وابن تيمية معنى العراف والكاهن والمنجم والرمال بما حاصله أن كل من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل ويأخذ عن مسترق السمع من الشياطين كما سبق في أول كتاب التوحيد. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ne fait pas partie de ceux qui nous suivent et de ceux qui suivent notre législation, ceux qui mettent en pratique la mauvaise augure, ou bien ceux qui pratiquent la voyance ou la sorcellerie ou ceux pour le compte duquel l'on fait ces choses. Car dans ces choses précitées, il y a la prétention d'avoir la science de l'invisible, une science qui, comme on l'a vu à plusieurs reprises, est propre et spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ces choses détruisent et sont dangereuses et préjudiciables pour la croyance et pour les raisons. Et celui qui considère vrai ceux qui pratiquent ce genre de choses a alors mécru en la révélation divine qui est venue pour abolir ces choses faisant partie de la période anti-islamique. Et cette révélation divine qui est venue également préserver les raisons de ces choses néfastes. Et entre dans ce cas de figure tout ce que font certaines personnes en lisant soi-disant la main ou en considérant qu'il y a une cause ou ceux qui considèrent qu'il y a un lien entre le fait que la personne soit joyeuse, qu'elle soit malheureuse ou qu'elle soit riche ou pauvre, que ceci a un lien avec les étoiles ou autres. Donc, sont affiliés à ces choses interdites, ceux également qui lisent ou qui utilisent, qui lisent soi-disant dans les mains en regardant les traits de la main, ou ceux qui considèrent qu'il y a une relation entre le bonheur, le malheur et la richesse et la pauvreté d'une personne, que ceci est lié également aux étoiles. Puis, Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, dit, et les deux imams, l'imam al-Baghawi et l'imam ibn Taymiyyah, ont expliqué le sens du voyant et du devin, ainsi que l'astrologue et le géomancien, en disant, pour résumer, que toute personne qui prétend la science ou connaître une science ou une chose en rapport avec l'invisible entre dans le nom al-kahin, le devin, ou est associé à ce nom, et dans ce cas, il y est attaché. Et al-kahin, le devin, est celui qui informe de ce qui va se passer dans l'avenir et prend des informations de ceux qui volent quelques informations du ciel parmi les diables. Et on a vu, comme Cheikh Al-Fawzan dit, comme sabaqa fi awwal kitab at-tawhid, comme cela a été vu dans le début de kitab at-tawhid, où on avait vu que des diables écoute les paroles des cieux et descendent sur terre afin d'en informer les sorciers, les devins et autres qui avec qui ils travaillent. Et on a vu que avec une information vraie, ils ajoutent 99 mensonges. Et on a vu également dans l'explication de Surat Al-Mulk qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège les cieux à travers, par quoi? Par les étoiles. Et ces étoiles, parmi leurs fonctions, c'est qu'elles sont elles sont des moyens de lapidation des diables qui viendraient ou qui voudraient écouter les informations des cieux. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها وتصديق أهلها. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Donc on a dit que le chapitre c'était le chapitre de Al-Kahana, de ce qui est rapporté au sujet des deux vins est similaire. Donc, le contexte de ce hadith dans ce chapitre est que il y a dans ce hadith l'interdiction et ce hadith montre la gravité de ce que pratiquent les devins et ceux qui sont similaires et la gravité également de considérer vrai ce qu'ils rapportent comme information. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد ثانيا تحريم تصديق من يفعل ذلك بكهانة أو غيرها لأنه كفر ثالثا وجوب تكذيب الكهان ونحوهم ووجوب الابتعاد عنهم وعن علومهم رابعا وجوب التمسك بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وطرح ما خالفه. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, l'interdiction de prétendre la science de l'invisible, car ceci contredit le tawhid. Deuxièmement, l'on retient de ce hadith, l'interdiction de considérer vrai ce que pratiquent les devins ou autres, car cela est de la mécréance. Troisièmement, l'obligation de considérer faux et de traiter de menteur les devins et similaires et l'obligation de s'éloigner d'eux et de leur science. Quatrièmement, l'obligation de s'accrocher à ce qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser tout ce qui le contredit. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دي ابن عباس رضي الله عنه a dit au sujet d'un peuple qui écrive Abu Jahl, et l'on verra ce que signifie Abu Jahl, et regarde les étoiles. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, en parlant de ces personnes, « Je ne pense pas que celui qui fait cela ait une part auprès d'Allah. » قال الشيخ الفوزان يكتبون أبا جاد أي يقطعون حروف أبجد هوز إلى آخره التي تسمى حروف الجمل ويتعلمونها لادعاء علم الغيب. وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا فيبنون أمورهم على زعم فاسد واعتقاد باطل في النجوم والحساب الذي يظنون أنهم يدركون به علم الغيب ما أرى بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم وبضمها بمعنى لا أظن من خلاق من نصيب. Donc, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, dit, yaktubuna Abu Jahl, ceux qui écrivent Abu Jahl. C'est-à-dire, ceux qui, séparent les lettres appelées Abu Jahl. Et les lettres Abu Jahl, en arabe, ce sont des lettres qui sont appelées également huruful jummel, les lettres des phrases. Car, souvent, ces lettres sont utilisées pour distinguer des phrases. Vous verrez souvent dans les livres d'arabe, lorsque des phrases sont énumérées les unes à la suite des autres, vous verrez que la première, il y aura un alif devant, la deuxième ligne, il y aura un ba, et la troisième ligne, il y aura un jim, et la quatrième, un del. Comme ce qu'on utilise en français, A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4. Les Arabes, eux, utilisent les hurufs appelés abajad. Et les hurufs abajad, c'est une suite de lettres, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, abjad hawaz. Abjad hawaz, il y a aussi hutti, kalimun, sa'fas, etc. Et donc, ces lettres abajad sont utilisées pour deux choses. Soit pour distinguer les phrases, phrase 1, phrase 2, phrase 3, phrase alif, phrase b, phrase ba, phrase jim, phrase dal, etc. Mais les hurufs abajad sont aussi utilisés beaucoup pour compter. Certains considèrent que Abajat, par exemple, que Alif correspond à 1, que Ba correspond à 2, que Jim correspond à 3, que Dal correspond à 4, jusqu'à la lettre Ya, jusqu'à Abjad, Hawaz, Houti, et ensuite Kalimun. Ici, le kaf, il a la valeur de 20. Et ainsi de suite, les Arabes comptent ainsi. Et l'on voit dans les poèmes arabes, certains poètes qui citent des dates de naissance, par exemple, ou de mort, en utilisant les lettres de Abajad. Et celui qui ne sait pas ne pourra pas deviner la date que ce poète arabe a voulu définir dans son vers. À la coulée, Abdullah ibn Abbas dit qu'il ne pense pas que des personnes, un peuple qui écrivent Abajad, c'est-à-dire qui écrivent les lettres de la série appelée Abajad. Ici, Cheikh Al-Fawzan dit Allati tusamma bihurufi al-jummal, qui sont appelées également les lettres des phrases. Et que ces personnes, c'est-à-dire ces devins, ces voyants, apprennent dans le but de prétendre la science de l'invisible. وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ, et ils regardent les étoiles, c'est-à-dire ils regardent les étoiles en pensant et en croyant que ces étoiles ont une influence particulière, et ainsi ils basent leur verdict ou ce qu'ils disent comme parole fausse en se basant sur les étoiles et sur les calculs. Et ils prétendent, à travers tout cela, connaître et pouvoir percevoir la science de l'invisible. « Ma ara » la parole d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, « ma ara » bifath al-hamzati. Donc « ma ara » peut se lire de deux façons. Soit c'est « ma ara » avec la fatha sur le alif. Dans ce cas, cela signifie « je ne connais pas ». Et cela peut se lire également « la ura »,« ma ura ». Et ici, cela veut dire « je ne pense pas ». »« Je ne sais pas » pour le premier et « je ne pense pas » pour « ma ura ». « Bidhammi al-alif »« Bidhammi al-hamza »« Min khalaq » Je ne pense pas qu'une personne qui fait cela ait une part auprès d'Allah. Min khalaq ay min nasib, c'est-à-dire une part. Al-ma'na al-ijmali ou lil-athar. Le sens général de ce récit ou de ce athar de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Yaqul ibn Abbas la a'lamu aw la adhunnu أن من يكتب حروف أباجاد وينظر في النجوم ويبني على ذلك الحكم على المستقبل ما أرى لمن فعل ذلك نصيبا عند الله لأن ذلك يدخل في حكم العرافين المدعين لعلم الغيب. عبد الله بن عباس رضي الله عنه dit je ne sais pas ou je ne pense pas que celui qui écrit les lettres Abajad et regarde les étoiles en se basant et se basant sur cela pour donner un jugement qui est en rapport avec l'avenir, je ne pense pas que celui qui fait une telle chose ait une part auprès d'Allah. Car cela entre dans le jugement des voyants de ceux qui prétendent la science de l'invisible. Or, ceux qui prétendent la science de l'invisible, cela est de la mécréance. Cela est de la mécréance. مناسبه الاثر للباب انه يدل على ان كتابه ابي جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفه علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد ان لها تاثيرا كل ذلك يدخل في العرافه. هذا كل ذلك يدخل في العرافة ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله. Le contexte de ce athar dans ce chapitre, il prouve que l'écriture des lettres abajad et le fait de les apprendre dans le but de prétendre la science de l'invisible, également de regarder les étoiles en pensant qu'elles ont un impact, tout ceci entre dans la voyance et celui qui le pratique a perdu toute part qui proviendrait d'Allah Azza wa Jal. ما يستفاد من الأثر أولا تحريم تعلم أبي جاد على وجه ادعاء علم الغيب به لأنه ينافي التوحيد أما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به ثانيا تحريم التنجيم لأنه وسيلة إلى الشرك بالله تعالى ثالثا عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم لأن ذلك من باب الاستدراج لهم. Ce que l'on retient de ce athar de Abdullah ibn Abbas. Premièrement, on retient l'interdiction d'apprendre et d'étudier les lettres abijad dans le but de prétendre par la suite la science de l'invisible. Car ceci contredit le tawhid. Quant à les apprendre dans le but de pouvoir lire ou de compter les phrases, il n'y a pas de mal à cela. Donc, d'apprendre les lettres abajad, soit on les apprend pour compter des phrases ou pour compter, comme on l'a dit, car c'est aussi un moyen de pouvoir compter, que cela est autorisé. Mais si ces lettres sont étudiées dans le but de les utiliser pour la voyance ou autre, alors dans ce cas, cela est interdit. La deuxième chose qu'on retient de ce athar, l'interdiction de l'astrologie. Car c'est un moyen qui amène à associer à Allah Azza wa Jal. La troisième chose que l'on retient de ce athar, le fait de ne pas être dupé par ce que les gens du faux ont comme connaissance. Car ceci, min bab al-istidraj lahum. Comment traduire ça? Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surah An-Nun, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Al-istidraj, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal les laisse faire. Et les laisse se tromper eux-mêmes jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal les saisit. Ya'khuduhum akhdha azizin muqtadir. Donc le fait que ces devins, ces voyants, par exemple dans ce cas du athar de Abdullah ibn Abbas, ont appris les lettres abajad, c'est quelque chose qui peut surprendre les personnes qui ne connaissent pas. Ah, je ne connaissais pas ces lettres abajad. Il y a une série de lettres, elles sont utilisées, chaque lettre a un chiffre qui lui correspond, etc., etc. C'est une certaine science qui peut duper le commun des musulmans. Et Cheikh Al-Fawzan dit que parmi les choses qu'on retient de ce athar, c'est justement de ne pas être dupé de ce que les gens du faux ont acquis comme science ou comme connaissance. Car cela est une ruse de la part d'Allah Azza wa Jal. Hadastidrajun lahum. Allah Azza wa Jal les laisse en pensant qu'ils ont atteint des hauts degrés de connaissance, mais en réalité, Allah Azza wa Jal les laisse jusqu'à ce qu'ils les saisissent. Subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في النشرة. Puis l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab رحمه الله entame le chapitre de ce qui est rapporté dans le désenvoûtement, النشرة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. Selon Jabir رضي الله عنه, prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur un nushra. Il a dit, elle fait partie des actes du diable. Rapporté par l'imam Ahmed, selon une chaîne de transmission bonne, et le hadith est également rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan. Et l'imam Abu Daoud a dit que l'imam Ahmed, rahimahullah, a été questionné au sujet de nushra, du désenvoûtement. Il a répondu, Ibn Mas'ud le détestait entièrement. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. لما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة ذكر في هذا الباب ما جاء في النشرة لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد النشرة نوع من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من السحر سميت بذلك لأنها ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال وسئل عن النشرة أي النشرة التي كان أهل الجاهلية يعملونها هي من عمل الشيطان لأنها ينشرون عن المسحور بأنواع من السحر واستخدامات شيطانية يكره هذا كله أي النشرة التي هي من عمل الشيطان. Donc le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid, le chapitre de ce qui est rapporté dans An-Nushra, traduit par le désenvoûtement. Lorsque l'auteur, rahimahullah, a cité le jugement de la sorcellerie et le jugement concernant les devins, il a cité dans ce chapitre ce qui est rapporté dans An-Nushra, le désenvoûtement. Car ce désenvoûtement peut être en rapport avec les diables et les sorciers. Et il devient alors contraire au tawhid. Et An-Nushra, le désenvoûtement, c'est une forme de guérison et d'incantation par laquelle l'on guérit ou l'on soigne celui que l'on pense être touché par de la sorcellerie. Elle a été appelée ainsi car An-Nushra a été appelée ainsi car elle désenvoûte, car par celle-ci on désenvoûte, c'est-à-dire qu'on enlève le mal de celui qui en est touché, de celui qui est touché par la sorcellerie. Su'ila 'an an-nushra, Jabir radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur an-nushra, c'est-à-dire le désenvoûtement que pratiquaient les gens avant l'arrivée de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, hiya min 'amali ash-shaytan. Elle fait partie an-nushra des actes du diable, car il désenvoûtait celui qui était ensorcelé en utilisant des formes de sorcellerie et en s'aidant des diables. Et concernant la parole de l'imam Ahmed, qui rapporte que Abdullah ibn Mas'ud détestait cela entièrement, c'est-à-dire il détestait ce désenvoûtement qui était pratiqué en usant des actes diaboliques. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علاج المسحور على الطريقة التي كانت تعملها الجاهلية ما حكمه فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه من عمل الشيطان أو بواسطته لأنه يكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية فهي شركية ومحرمة. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le fait de soigner l'ensorcelé en utilisant des moyens que mettaient en pratique les personnes avant l'arrivée de l'islam. Quel est le jugement de cela ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors répondu que cela fait partie des actes du diable ou que cela est pratiqué par l'intermédiaire des diables car il est fait en utilisant des moyens de sorcellerie ou en s'aidant des diables. Cela est donc du polythéisme et cela est interdit. مناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان وهي نشرة الجاهلية. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a dans ce hadith la preuve de l'interdiction de, du désenvoûtement que, qui est ou qui fait partie des actes du diable et ce désenvoûtement qui évolue est celui qui était pratiqué avant l'arrivée de l'islam. ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن النشرة على الصفة التي تعملها الجاهلية لأنها سحر والسحر كفر. ثانيا مشروعية سؤال العلماء عما أشكل حكمه حذرا من الوقوع في المحذور. Ce que l'on retient du hadith, deux choses. La première, l'interdiction du désenvoûtement qui est pratiqué de la même façon que ce qui était fait dans la période anti-islamique, car ils utilisaient la sorcellerie et la sorcellerie est de la mécréance. Deuxièmement, ce que l'on retient, qu'il est légiféré de poser la question aux savants dans les choses qui sont problématiques. Ceci afin de prendre garde à ne pas tomber dans des choses interdites. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur al-nushra. Il a été questionné afin de connaître le jugement et ne pas tomber dans l'interdit. Et ainsi se doit de faire le musulman lorsqu'il est confronté à une situation problématique. Eh bien, il se doit de l'exposer aux savants afin qu'ils puissent l'éclaircir dans cette situation bien précise. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.